il y aura des fleurs. Dressez cathédrale et des robes en couleur. Non pitié, pas de noir. J'ai toujours eu peur du noir. Je préfère la lumière. D'ailleurs, quand j'étais enfant, je dormais la porte ouverte, de peur que les bandits passent par la fenêtre pour me voler maman. Il y aura mes amantes, les amants des amours, les amours des aimantes. Enfin, il y aura l'amour, et j'espère des enfants. Pour chanter mort aux vieux, mort aux morts, mort au bon Dieu. Et pour pisser derrière l'église de ce pauvre curé qui dit que des bêtises, qui me fait perdre mon temps. On jouera du Mozart, mais pas de Requiem, de la flûte enchantée. Bien mieux du donjon pour partir conquérant, pour partir simplement sur un air de trompette, partir à la conquête. Le cœur à la fête, il y aura des souvenirs, il y aura les sourires de quand j'étais enfant, de quand j'étais printemps, quand on était au ventre, quand on était au vent. Non, ne pleure pas mon frère, non, ne pleure pas ma mère, on sera bientôt ensemble. On remontera le temps et on sera en Sicile sur la belle étoile en chantant qu'on est faux et sac à dos m'entraîne. On pissera dans la mare, on pêchera des calmars à faire rougir Nemo, on refera notre histoire. En attendant Pierrot, ami, ne sois pas triste. Tu sais, ma vie fut belle. Un peu courte, mais magnifique, comme un soleil levant. Le vent sur l'Atlantique, je m'en vais en chantant vers une autre Amérique, comme un soleil couchant sur le Pacifique.